Allez, viens. Viens. Viens, emmène tes clics et tes claques. Une valise et un sac. Monte dans mon auto si tu veux. On ira voir là-haut si c'est mieux. Viens, on met les voiles, il est temps. Il faut qu'on lève le camp. Changer les couleurs de cette vie. Notre avenir n'est plus ici. On s'en va. Oublie le temps passé, accroche-toi à moi. On s'en va là-bas. On s'en va. Efface les images des poussières, tout ça. On s'en va là-bas. Et comme l'oiseau quitte son nid pour s'envoler vers d'autres pays, partons pour un monde plus chaud. Je t'offrirai du lait de coco. Dis, si tu n'as plus envie de jouer, si tu n'as plus envie d'avancer et de nager à contre-courant, laisse-les tomber. Il est temps. On s'en va. Oublie le temps passé, accroche-toi à moi. On s'en va là-bas. On s'en va. Efface les images des poussières, tout ça. On s'en va là-bas. Viens, emmène tes clics et tes claques, une valise et un sac. Monte dans mon auto si tu veux, on ira voir là-haut si c'est mieux. Si c'est mieux. Si c'est mieux. Si c'est mieux. Si c'est mieux.